moi, je crois en toi. Apôtre H, je viens de loin. Les menteurs font partie du passé. Marchons ensemble vers la liberté. Le temps file aussi vite que les étoiles. Il faut que tu saches que si tu restes immobile, c'est comme si t'étais dead. Les frôlots font du bise, vendent du shit, font du chiffre. À 13 biches, on sait que Merco rime avec prestige. J'ai des rêves de grandeur qui riment avec vertige. Je reste terre à terre, pas à pas, j'évite les mines. Les petites bitches élevées au ring, élevées au Mac Morning, veulent niquer dans des palaces de grand standing. Parce que je sais qu'après situation précaire, on a délinquance précoce, grand banditisme, braquage de Springs. Les petits frôlots de la rue font du carjacking sur ton parking. Descends, t'inquiète, pas de panique. Et puis tes tartes gratuites, m'en voulais pas, je dois vivre. Tu sais pas ce que je pourrais faire pour partir libre. Ok, ok, les petits d'aujourd'hui grandissent trop vite, font du chiffre trop vite, la calvitie trop vite. Tu devines pourquoi? Pourquoi? Si tu crois en moi, je crois en toi. Apôtre H, je viens de loin. Les menteurs font partie du passé. Marchons ensemble vers la liberté. J'garde ma salive et mes lyrics pour ma musique, pas pour les beats. Je veux être riche avant 30 piges, après j'serai fils. Demande à Jean-Marie s'il apprécie. Chef, mamie, j'suis pas un cas social qu'attend que la France gère ma vie. J'ai deux bras, deux jambes, une tête pensante. Mes neurones doivent générer des euros, même si pour cela j'dois te saigner Z comme Zorro. C'est mes pulsations, mes sens, ma rétine. Amsterdam a tout compris au problème de la résine. Est-ce que j'aime l'argent facile, les femmes, le sexe, les parésies, l'alcool, le shit et les barres de rire? Eh, j'suis un homme, les mythos font partie du passé. Marchons ensemble vers la liberté. On m'a toujours dit que les putains parlent tellement vite dans ton dos. Ils parlent à la vitesse Mach 10. Ok, tu veux savoir qu'il y a des putes dans mes backstage et une virgule sur ma basket. Encre noire, encre noire. Si tu crois en moi, je crois en toi. Apôtre H, je viens de loin. Les menteurs font partie du passé. Marchons ensemble vers la liberté. On m'a toujours dit qu'il faut se battre quoi qu'il arrive. Je t'écorce et âme, jamais baisser les bras, jamais mouiller les draps. Depuis ma première molaire à aujourd'hui, c'est l'innocence à la colère. On m'a toujours dit qu'on voit la force d'un homme à travers sa femme, sa voiture et son porte-monnaie. Ok, ça va être dur, comme j'ai du jus, j'y vais. Quoi qu'il arrive, il faut que tu saches, je vais pas crever, pauvre juré. Les négros se check, alors qu'en fait ils se détestent. Reste indifférent, prends le temps de détester. C'est comme jeter de l'argent. Mon frère, pourquoi tu veux ma plage? Prie pour toi et tu me souhaites que du mal. Les détracteurs se nourrissent du malheur des autres. Pour moi, ils sont comme des chiens à qui tu balances des os. Les beaux parleurs seront toujours dans mon rétro. Les semeux Monsieur Smith me voient dans leur Matrix comme Neo. En dos. Si tu crois en moi, je crois en toi. Apôtre H, marchons ensemble.